tout ça au Kenya faut qu'on cherche gagner et puis la soif. Papa il te dit c'est force non nous camener faut qu'on ait tout et tout faut qu'on savent ça au lit. Jembe.